André de Georges Duruy. Chapitre 1er. Monsieur de Garmante n'était plus jeune, mais quoique ses cheveux ondulés, si noirs autrefois, eussent déjà subi l'outrage des premières gelées blanches de la vieillesse, quoique sa taille se fût un peu épaissie, que sa démarche eût perdu l'élégance nerveuse et souple qui fait dire aux femmes « quel beau cavalier », le comte Melchior gardait encore fort bonne mine, et pouvait se féliciter d'avoir doublé sans trop d'avarie le terrible cap de la cinquantaine. Sur ses joues, encadrées d'une barbe belle à l'œil mais douce au toucher, le hâle du grand air se mariait aux teintes fraîches de la santé. Ce mâle visage était illuminé par des yeux bleus, tranquilles et doux, qui savaient au besoin s'armer d'une fine pointe d'ironie et cachaient dans un coin de leurs paupières, comme la bouche dans l'angle moqueur de ses lèvres, un grain d'impertinence. Haute taille, épaules robustes, mains grandes, mais d'un très beau dessin, tel était au physique Monsieur de Garamante. Fils unique d'un ancien garde du corps de Charles X, il avait hérité de son père plus de 100 000 livres de rente, et l'appétit qu'il faut pour les manger. Devenu maître de sa fortune, il ne tarda pas à l'entamer. Ce ne fut d'abord que rognure légère sur le bord de son capital. Malheureusement, la faim vient à table. Le comte mit bientôt les morceaux doubles. Les voyages, les réceptions joyeuses en automne dans son château, les grandes chasses, les chevaux, les cartes et ses dames, celles-ci surtout, firent de terribles brèches à son patrimoine. Pour se ranger, il prit une maîtresse, sous prétexte qu'unifier ses fredaines et faire acte d'économie et de moralité, que d'ailleurs une liaison sérieuse est le surnuméria du mariage, et qu'un stage dans le faux ménage est l'apprentissage nécessaire du vrai. Mais la maîtresse de transition qu'il choisit pour se préparer à la vie conjugale, petite blonde aux yeux couleur de myosotis, était un de ces faux anges qui ont le diable au corps. Elle fit danser aux écus du comte une sarabande effrénée, puis un beau jour le quitta, lui laissant comme souvenir de leur liaison une mignonne incisive qu'elle avait perdue dans sa première enfance. Monsieur de Garamante fit monter en bague la dent de sa maîtresse et la porta désormais à son doigt. Les uns affirmaient que cette bague singulière était l'expression symbolique de sa rancune contre le sexe, d'autres y voyaient un témoignage du souvenir qu'il avait gardé de la charmante et vorace petite bouche. Quoi qu'il en soit, le comte ne se maria point. Il ne lui restait plus guère qu'une 20 000 francs de rente. L'âge arrivait. Il avait déjà des rhumatismes et des manies. Raison de plus pour prendre femme, disaient ses compagnons de chasse, de cercle et de coulisses. Lui répondait qu'il était trop vieux pour une jeune fille, et qu'on est toujours trop jeune pour une vieille. Monsieur de Garamante prit donc rang dans la légion des vétérans du célibat, qui sert de réserve à l'armée active de la galanterie masculine. Ce corps d'élite ne fait plus la grande guerre, mais comme son règlement autorise la maraude, le service ne laisse pas d'être assez actif. On s'y enrôle vers 45 ans. Quelques-uns désertent une dizaine d'années plus tard pour épouser leur cuisinière. D'autres préfèrent mourir au champ d'honneur. Le comte était de ceux-là. Après le départ de son infidèle, M. de Garamante régla sa vie conformément au principe d'une expérience égoïste. En 1876, il vendit son château au riche raffineur Hector Passemard, ne gardant de son domaine patrimonial qu'un pavillon avec un peu de chasse autour. C'est là qu'il passait la belle saison, en compagnie d'un de ses anciens gardes. Présentement, ce vieux brave lui servait de valet de chambre et de cuisinière. L'hiver venu, il s'installait à Paris, non pas dans un appartement dont le loyer et l'entretien eussent grevé trop lourdement son budget, mais dans un de ces logements composés d'un petit salon et d'une chambre que certains cercles mettent à la disposition de leurs membres. On n'est pas chez soi, sans doute, mais on n'est pas non plus tout à fait à l'hôtel. C'est quelque chose de décent, qui tient le milieu entre le home et l'odieux appartement meublé. On dispose d'un nombre domestique. Au besoin, on peut faire porter une lettre par le chasseur du club, ce qui est de bon ton. La table est excellente et ne coûte presque rien. On a, sans bourse déliée, les journaux et les revues du cercle, ses voitures, une place dans sa loge, ses billets pour les expositions. Enfin, cela sauve les apparences. On paraît moins pauvre, quand on se frotte tout le jour à la richesse des autres, et ce n'est pas seulement au public, c'est aussi à soi-même que l'on fait illusion. Les viveurs en non-activité ont là leurs invalides. Ils échappent à la solitude. Ils retrouvent dans ce milieu tout ce qu'ils ont aimé, depuis le fin arôme des cigares exquis, la chair succulente et épicée, jusqu'aux conversations frivoles dans la bourse, le théâtre, la politique, les chevaux et les femmes font les frais. En prenant ainsi sa retraite dans un cercle, on peut, à la condition de ne jamais toucher une carte, mener avec 20 000 francs de rente le même train qu'autrefois avec 60 000. On n'a, j'en conviens, qu'un luxe de surface. Mais qui fait aujourd'hui la différence du Rolls à l'Argenterie? Quand le métal brille, qui donc cherche à vérifier le titre et le poids? Ainsi vivait le comte de Garamante. C'est à peine si l'on se doutait qu'il fût presque ruiné, tant l'expérience de la vie de Paris l'avait fait passer maître dans l'art d'accommoder les restes d'une fortune. On n'est pas juste pour les vieux garçons. On les dit égoïstes toujours, quinteux, revêches et maniaques le plus souvent. C'est une calomnie. Je soupçonne les vieilles filles de l'avoir propagée, car vous n'ignorez pas qu'elles ont, par esprit de corps, une sévérité qui ressemble à de la rancune pour les célibataires du sexe adverse. J'en sais pourtant de ces vieux garçons, qui sont les plus charmants des hommes. Monsieur de Garamante était du nombre. Il possédait cette aimable vertu de tolérance qui donne tant de charme au commerce des sceptiques. Son pessimisme, fruit de l'expérience, n'était point amer, mais souriant. Désabusé de tout, il ne maudissait rien. Sa philosophie indulgente répugnait aux récriminations, aussi bien contre les choses que contre les gens. Il méprisait un peu les hommes, mais sans misanthropie, et ne le laissait voir que tout juste assez pour montrer qu'il n'était pas dupe. Après avoir largement usé de la vie, il avait sur le tard découvert la vanité de tout, mais ne s'autorisait point de sa triste science pour tenir école de désenchantement. Il aimait les jeunes gens et ne s'indignait point au récit de leur fredaine, car, disait-il, s'il est bon d'être revenu de tout, il est nécessaire au préalable d'y être allé. Sa religion était, comme ses opinions légitimistes, un sujet sur lequel il n'aimait pas à s'expliquer. Au fond, les convenances y avaient plus de part que la foi. Il croyait au retour du roi à peu près autant qu'aux apparitions de la Vierge de Lourdes, lesquelles lui paraissaient choses plus édifiantes que vraisemblables. Seulement, il pensait se devoir à lui-même, au nom qu'il portait, à ses traditions de famille et à ses relations mondaines, de rester avec les partisans du mystère, en politique aussi bien qu'en religion. Ce désœuvré ne s'ennuyait jamais. Tout lui devenait matière à observation, tout l'intéressait. Sans jamais rien faire, il était l'homme le plus occupé de Paris. De fait, rien de plus absorbant que la flânerie quand on la pratique comme lui. C'était une badauderie psychologique de tous les instants, qui s'arrêtait au spectacle des passions humaines comme l'autre aux devantures de boutique. Il résumait sa vie dans cette formule « Je regarde passer ». Le comte avait ainsi rassemblé, à l'insu de tous, une magnifique collection de documents sur le cœur humain, et la joie était pour lui sans mélange quand il enrichissait son musée intime de l'observation d'un cas rare. Une ou deux fois, il avait songé à dresser son catalogue, mais il s'était dit bientôt, en jetant un coup d'œil sur sa bague, « Un livre de pensées, des maximes, comme la Rochefoucauld. À quoi bon? À qui profiterait mon expérience puisqu'elle ne m'a pas profité à moi-même ?» Tout collectionneur, comme on sait, s'adonne à une spécialité. Celle de M. de Garamante était l'âme de la femme. Là, de simple amateur, il était passé connaisseur, puis expert. Il l'avait étudiée dans sa complexité illogique et décevante, dans ses contradictions, dans ses faiblesses, dans ses bizarreries, dans ses petitesses et ses grandeurs. Il la connaissait à fond, comme un bon horloger connaît une montre. Au besoin, il vous aurait fait voir le mécanisme délicat et les rouages imperceptibles qui mettent en mouvement le grand ressort féminin, l'amour. Comme tous les hommes qui ont beaucoup vécu mais qui n'ont point laissé traîner leur cœur dans les égouts de la basse galanterie, comme quiconque a aimé ne fût-ce qu'un jour et a senti se poser sur soi, ne fût-ce qu'une heure, un vrai rayon d'amour, M. de Garamante professait pour les femmes une sympathie respectueuse et caressante, faite de gratitude, d'indulgence et d'un peu de pitié. Tels ces anciens dévots qui ne pratiquent plus, et conservent pourtant un reste de religieuse tendresse pour l'église où ils ont prié dans leurs jeunes ans. Il n'avait point pour celles qui tombent ce lourd mépris des hommes qui, ne connaissant rien de la vie, ne savent pas combien le sol est glissant pour un petit pied de femme. Quand on parlait d'une chute devant lui, il disait que c'était peut-être seulement un faux pas, qu'on n'est jamais sûr de ces choses et que, le fût-on, il faudrait encore ne le paraître point. ce n'était pas qu'il crût le moins du monde à la vertu des femmes. Elles lui avaient donné tant de preuves de leur fragilité. Mais il n'aimait point qu'on s'appesantît sur ce sujet. Il aurait voulu que les salons organisassent une conspiration du silence autour de ces menues faiblesses féminines, afin d'empêcher les bourgeois, qu'il n'aimait guère, de traîner dans la boue d'adorables petites femmes du monde, coupables seulement d'un peu d'inconséquence. Malgré ses 50 ans sonnés et l'abandon que l'âge lui avait imposé de la qualité de belligérant, le comte restait galant, empressé, comme au plus beau temps de ses conquêtes, avec je ne sais quoi de chevaleresque qui se perd aujourd'hui. Les femmes lui savaient gré de ne pas leur offrir un cornet de bonbons, sans avoir l'air de dire qu'il était prêt à se faire casser la tête pour elles. Au demeurant, c'était un galant homme, l'espèce tenta à disparaître.